Je voulais remercier bien sûr l'équipe politique des sciences de nous accueillir aujourd'hui. Vraiment, c'est un point d'appui pour la réflexion générale. Moi, cela m'importe beaucoup. Donc, sincèrement, merci. C'est l'occasion de faire un point. Je remercie aussi Fabrice Dulle de cette intervention qui, vraiment, pour moi, participe d'une réflexion générale par rapport à l'école, bien sûr, qui est mon cadre d'exercice habituel. Et si vous le permettez, peut-être avant de démarrer sur ma propre contribution, peut-être donner quelques jalons par rapport à ce que vous venez de dire. Alors, au niveau de l'éducation nationale, le repère que nous avons par rapport à ces questions d'antidiscrimination, c'est la revue Diversité, donc du CNDP, qui s'appelle actuellement Canop, qui a été rebaptisé. Je ne sais même pas d'ailleurs ce que veut dire le... Canopée. Canopée, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en référence à la canopée, c'est-à-dire à la, oui, à la manière dont... La cime. Et oui, la cime recouvre finalement... C'est un terme grec, là. D'accord, donc qui a fêté récemment son 40e anniversaire, et avec une équipe riche de contributeurs, je ne me rappelle plus les noms, je n'ai pas ici, dont Françoise Lorcerie, vous-même sans doute, et d'autres, qui avaient donc commémoré finalement ces démarches expérimentales pour essayer de sortir un peu de ce qu'on pourrait appeler l'universalisme abstrait sur le plan philosophique et cette espèce d'unitarisme organisationnel au niveau de la machine, la grande machine d'éducation nationale. Donc ça, c'est un point d'appui pour nous enseignants. Et voilà. Et alors maintenant, au niveau des perspectives à la fois théoriques et pratiques dont vous avez parlé, c'est clair que ces questions de discrimination et de sont liées, bien sûr, à l'histoire des migrations, automatiquement. Mais au-delà, c'est vrai que de cette réflexion sociologique, on sans doute que des spécialistes sont à même de questionner les relations géopolitiques. Parce que c'est vrai que l'Hexagone, la métropole, comme on dit, le pays n'est pas enfermé dans ses frontières, même s'il est dans cette Union européenne qui est sans frontières. Mais ces relations nord-sud nécessitent sans doute d'être problématisées sur un plan géopolitique, sur un plan anthropologique, pour justement éviter l'isolement même de ces communautés immigrées et en deçà même de ces publics scolaires, de ces individus qui doivent subir par eux-mêmes, finalement, tous ces rapports de force qui sont à gérer au niveau de l'État-nation et au niveau même d'air géopolitique à l'échelle continentale. Donc c'est sûr qu'il y aurait un raccrochage à faire entre une sociologie, bien sûr, de la diversité, de l'inclusion, et autres termes qu'on pourrait trouver, qu'on pourrait acquérir, et par ailleurs une géopolitique, finalement, de l'émancipation de ces relations nord-sud, qui sont quand même, qu'on le veuille ou non, sous l'angle de la domination, d'une domination historique qui est d'ordre post-colonial. Alors, maintenant, pour revenir effectivement à l'éducation nationale, qui effectivement a géré un petit peu ces enjeux, mais à l'échelle, bien sûr, de l'éducation et de l'instruction des publics. L'an dernier, on parlait de la question de sa démocratisation comme étant un facteur de refondation, parce que c'est vrai que si les personnels, enseignants et éducateurs, ne sont pas libres de leur réflexion et de leur démarche professionnelle en tant que telle, ils n'ont pas les moyens, effectivement, d'aider totalement des publics à se transformer eux-mêmes, à s'émanciper eux-mêmes. Ça paraît logique. Et donc, en complément de cette démarche nécessaire de démocratisation, il y a effectivement une réflexion à avoir sur le renforcement idéologique du monde enseignant. Dans le secondaire, à mon avis, c'est pas tant. Parce qu'il y a quand même un fait avéré d'une gestion administrative qui s'impose quand même progressivement à l'égard de mouvements associatifs, de mouvements pédagogiques qui jusqu'à présent animaient grosso modo, bon an mal an, la vie des établissements ou la vie d'une corporation. Il est devenu clair que dans un CRDP actuellement, des enseignants lisent peu les revues. On le sait, ça fait partie quand même des passifs de la période. Et bien entendu, c'est le système qui est en jeu. Il est clair que les rapports de force ont fait que l'administration elle en joue un rôle prévalent dans un cadre néolibéral qui fait que c'est d'ores et déjà la rentabilisation en fonction d'un certain nombre de critères, d'ailleurs, des sortes d'éducation telles que celui des compétences, qui sont mises en œuvre de manière un petit peu à faire de l'éducation nationale une machine qui tourne bien et pourquoi pas une entreprise en tant que telle. Et donc, par rapport à cela, qu'offre la loi d'orientation pour l'éducation nationale qui a été votée donc en juillet 2013 suite à une consultation qui a été plus ou moins quand même réussie, puisque quand même les personnels enseignants n'ont pas été invités en tant que tels à participer hein, sur le terrain. Hein, c'est quand même des représentants syndicaux ou associatifs qui ont parlé pour eux. Or, il semble quand même qu'il faut partir des expériences de terrain pour bien comprendre un petit peu la réalité des problèmes, hein, puisque problème là aussi il y a. Et à partir de là, bien sûr, faire remonter des démarches de solution, hein, de remédiation. Donc, moi, je vais essayer de traiter dans cet exposé la question de, bien sûr, de la création des ESPE en voie et place des IUFM, comme structure finalement de formation des enseignants, de la question d'un nouvel enseignement qui est celui de la morale laïque et citoyenne, qui serait opérationnel à la rentrée 2015, de la question de la didactique, qui me semble être une instance de médiation socio-cognitive qu'il faudrait davantage renforcer, justement dans cette perspective d'un renforcement idéologique et intellectuel du monde enseignant en tant que tel. Et bien sûr, je terminerai sur la question bien sûr, de cette école inclusive et de cette problématique de la diversité qui peut se trouver des applications dans les disciplines, en particulier dans l'enseignement de la morale laïque et citoyenne, ou dans la discipline français-lettres, qui est ma discipline. Alors, pour en revenir donc à cette programmation de l'enseignement de la morale laïque et citoyenne, on sait bien que c'est le ministre philosophe Vincent Peillon qui en est à l'origine. Hein, il est spécialiste de Ferdinand Buisson, des penseurs républicains du 19e. Et donc, véritablement, il avait à cœur de redonner, effectivement, une morale publique à l'école. Donc, il y a vraiment une forme de sincérité, je pense, de sa part, comme il y a eu pour Jean-Marc Ayrault, il faut le saluer, ancien maire de la ville de Nantes, qui a quand même assumé son passé esclavagiste. Il me semble que dans les deux cas, il y a eu vraiment volonté de créer un sillon, et il me semble que ça peut porter ses fruits. Et donc, la mise en place de la remise du rapport... en avril 2013, est intervenu en plein débat sur la moralisation de la vie publique avec l'affaire du compte suisse de l'ex-ministre du budget, Jérôme Cahuzac. Alors, il y a eu un effet de hasard qui n'en était pas. Hein, on sait bien que la crise des publics scolaires, c'est d'abord la crise des adultes hein, et de certaines élites politiques qui sont bien sûr sous l'influx d'une oligarchie politico-financière au régime néolibéral. Et donc tout cela s'enchaîne. Et il est clair que des ministres tels que Vincent Peillon essayent de redresser un peu la barre dans le sens d'un rééquilibrage éthique et au niveau, bien sûr, de la formation et de l'éducation des publics. Et donc, un rapport sur cette question a été commandé à trois spécialistes des questions éducatives, Alain Bergougnou, Laurence Loffel, Rémi Schwartz. Et ce rapport a insisté, bon, je cite à la page 7, sur le fort consensus autour d'un besoin de morale, exprimé par les familles comme par les enseignants, et par les représentants de la vie scolaire qui ont été auditionnés. Il s'agit de réinstituer une morale commune et fédératrice de manière, là encore je cite à la page 7, à construire une école inclusive, le terme est donné donc, en guerre contre toutes les discriminations. Donc sous-entendu d'origine bien sûr, mais aussi de genre social, disciplinaire aussi, pourquoi pas. Et donc cet objectif nécessite de dépasser les termes d'une morale minimale qui serait axée sur le seul respect des lois civiques ou d'une morale négative, celle-ci n'étant invoquée que pour la résolution des conflits et des situations de crise. Voilà, bon, je passe peut-être sur les valeurs à transmettre, hein, vous les connaissez par cœur, hein, et donc la dignité, la liberté, l'égalité, donc qui sont évidemment bien connues dans le fronton et dans le républicain. Bon, et évidemment, il faut savoir de quelle manière cela peut être mis en œuvre pour effectivement aboutir effectivement hein, par-delà les mots, hein, à ce que ça ne reste pas des vœux pieux, donc dans la vie de la cité scolaire. Alors, ce nouvel enseignement sera dispensé de la maternelle à l'université. Hein, la vie scolaire sera particulièrement sollicitée dans la mesure où il y a une occasion de revitaliser ce secteur, qui est quand même évidemment en péril hein, dans certains établissements, on le sait, hein, dans les collèges, dans les lycées professionnels, hein, la vie scolaire, et de toute façon la vie en classe, connaît de grandes difficultés, hein, bien sûr en termes d'incivilité, de violence, etc. Et l'implication des conseillers principaux d'éducation, des chefs d'établissement, pourrait pallier au manque de réalisation en matière de projets d'établissement. Parce que c'est vrai qu'on parle de passif républicain, l'éducation nationale n'a pas été en mesure jusqu'à présent de favoriser la création de projets d'équipe hein, qui tiennent la route en tant que tel, hein, qui fassent qu'un établissement puisse avoir donné un sens global à son exercice, hein, à partir bien sûr d'une solidarité au niveau de la communauté éducative. Alors, comme les autres enseignements, la morale laïque et citoyenne sera évaluée, ce qui sera la condition de sa reconnaissance par le plus grand nombre, à la différence, par exemple, de l'ECJS, enseignement citoyen, juridique et social, qui est enseigné dans le cadre de l'histoire-géographie au lycée, et d'une manière le plus souvent facultative, peut-être deux fois par mois, des choses comme ça, hein, et ce qui montrait bien la dépréciation qu'on avait de cet objectif socio-éthique, hein, jusqu'à présent, dans le cadre de l'école, hein, qui était considéré comme un plus, une valeur ajoutée, mais relativement facultative. Et il est préconisé la mise en œuvre d'une compétence coopérative au sein de la communauté scolaire. Ça, c'est nouveau. Hein, on est parti de ce bilan, de ce passif républicain, hein, sous des formes diverses, participation à la vie d'établissement, engagement sous une forme ou une autre qui pourrait être valorisé au niveau des publics scolaires. Ça semble être effectivement tout à fait intéressant. Cette évaluation se faisant aux examens sous la forme du contrôle continu au brevet et au baccalauréat. Alors, les ESPE constitueront le foyer naturel de la formation à ce nouvel enseignement, qui sera en fait une base de la culture professionnelle des personnels d'enseignement et d'éducation. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il y a eu une articulation entre effectivement un enseignement, une construction idéologique en tant que telle et programmatique, et d'autre part cette construction institutionnelle qui est la réhabilitation, qui correspond à la réhabilitation de la formation des enseignants, qui, il faut quand même le rappeler, était mise à mal sous l'ère Sarkozy, hein, qui se vantait lui-même d'avoir descendu, si on peut dire, les UFM. Hein, je crois que c'était parmi ses derniers discours. C'est tout à fait symptomatique d'une certaine politique. Et là, on peut citer un peu le rapport à la page 41. Il importe de prendre des décisions fortes, tant en matière de formation initiale que de formation continue, et ce, pour toutes les catégories d'enseignants et d'éducateurs, dans la mesure où la formation morale des élèves ne peut être qu'un projet collectif. Et la création des nouvelles des ESPE en est l'occasion. Alors, une autre institution qui a été créée en octobre 2013, c'est le Conseil supérieur des programmes, et qui était jusqu'à peu de temps sous la direction d'Alain Boissineau, ancien inspecteur général des lettres, et qui a démissionné assez bruyamment peu de temps, justement du fait de ses rapports de force encore mal maîtrisés et dans ce contexte de refondation, et finalement assez peu explicité idéologiquement, hein, une espèce de flou idéologique sur les tensions qui ont pu évidemment naître dans ce conseil, dans ce CSP, et qui ont amené un président quand même à claquer la porte assez brillamment. Hein, donc ça fait partie là encore de ces passifs dont il faut arriver à un petit peu à rationaliser les réalités de manière un peu à les dépasser. Et donc deux modules obligatoires de formation doivent être mis en place qui concernent l'un l'enseignement moral proprement dit et l'autre la laïcité et les valeurs de la République. Voilà. Parmi les acquis programmatiques à signaler, l'insistance donc à traiter la question de l'égalité entre filles et garçons, hein, ça c'est très important, et le rappel aussi d'une laïcité respectueuse de toutes les convictions dans le cadre d'un État et d'une école neutre. Dans le même temps, a été publiée la charte de la laïcité à l'école, qui redonne donc ce principe. Alors, d'une manière relativement... comment dirais-je, conservateur. Disons qu'on sent qu'on est dans deux paramètres qui évoluent en parallèle et qui est d'une part effectivement la lutte contre les discriminations, hein, c'est clair, hein, il y a quand même, j'aurai l'occasion d'en reparler après, une réflexion sur la différenciation à l'échelle des publics scolaires et donc le fait qu'il faut arriver à une diversification donc du traitement à apporter à l'égard de ces différents objectifs. Et d'autre part, effectivement, cette tradition laïque, qui, dans le bon sens du terme, bien entendu, est le respect de toutes les expressions religieuses, ce qui est la moindre des choses, et ce qui est l'acquis de la République, mais qui, par ailleurs, peut être, évidemment, retournée en une espèce d'uniformisation idéologique qui serait dans le sens d'une espèce de... pas d'ethno-nationalisme, mais enfin de consensus idéologique autour du fait que le fait religieux est un fait privé. Et que pour autant, donc, les différences n'ont pas à s'exprimer sur la voie publique, pour faire court. Alors, toujours concernant ce rapport, des oublis étonnants sont à signaler dans les domaines environnemental, médiatique et interculturel. et aussi spirituelle, justement, pour reparler de cette question-là. C'est-à-dire que tous les travaux de Régis Debré, de l'Institut européen en sciences des religions, sur le fait religieux comme fait de culture, n'apparaissent pas en tant que tel. Donc là, il y a une espèce de gommage de cette réalité que l'on voit dans les médias en permanence, cet islam dont on parle très souvent. Donc le rapport n'en parle pas du tout. De même, c'est très étonnant, bien entendu, que la question environnementale ne soit pas traitée, puisque depuis 2004, la Charte de l'environnement place les principes de sauvegarde de notre environnement au même niveau que les droits de l'homme et du citoyen. Donc il y a quelques manques, et il faut espérer que le Conseil supérieur des programmes, justement, compense cela et apporte les éléments manquants. L'avenir le dira. Donc ça, c'est le premier point, hein, la morale laïque et citoyenne. Et on peut passer peut-être au deuxième, c'est la didactique, hein, qui me semble être effectivement un recours utile parmi d'autres pour essayer de renouer le fil interrompu du débat d'idées. Moi, je dirais interne à la corporation. La didactique comme instance de médiation socio-cognitive. Puisqu'effectivement, il faut un arrière-plan théorique de cet enseignement et des enseignements d'une manière générale dans le cadre de la refondation, à l'université et dans les SP. Et là encore, on est obligé de recontextualiser dans un contexte marqué par les phénomènes de globalisation et de médiatisation de la vie sociale, contexte qui est à la base de dynamiques interculturelles de différents ordres. Il s'agit de former finalement à deux types de compétences, une compétence communicationnelle et une compétence bien sûr cognitive. Et la première communicationnelle, on pourrait la voir sous l'angle de la sémiologie. Hein, il y a une discipline parmi d'autres qu'il faut mettre en œuvre, c'est cette science des représentations, hein, dont parle Achille Mbembe en particulier dans un de ses livres. Et d'autre part, au plan cognitif, donc la question anthropologique. Il me semble qu'il y a deux disciplines émergentes dont il faut arriver à donner des fondamentaux suffisants aux enseignants pour qu'ils puissent eux-mêmes arriver à didactiser bien sûr les éléments nécessaires aux apprentissages des publics et au fait que déjà les publics puissent prendre conscience du contexte, des contextes nouveaux dans lesquels ils évoluent et effectivement dans lesquels ils doivent pouvoir se construire. Donc, dans ces aspects, il y a l'université, bien sûr, hein, il ne faut pas oublier l'université. Moi, je parlais tout à l'heure de cette controverse entre disciplinaire et éducateur, hein, mais entre université et SP, bien entendu, de toute façon, les SP font partie de l'université. Donc, il n'y a pas de problème, à mon avis, organisationnel. La question de la construction d'une méthodologie, hein, d'une nomenclature, d'un référentiel, de typologie, composé de fondamentaux de sciences humaines et sociales, semble nécessaire. C'est-à-dire que les enseignants, ils en ont besoin. Actuellement, on est dans un déficit didactique qui est flagrant. Bon, je parlais tout à l'heure de ma matière, le français et les lettres. Bon, je pense que c'est là que c'est le plus accusé. Mais dans d'autres aussi, se pose la question quand même de l'actualisation des référentiels par rapport à des nouveaux contextes qui sont ceux de l'interculturel, de la médiatisation, de la numérisation en particulier. Et ce qui est notable, c'est qu'en France en particulier, les sciences humaines et sociales ne sont pas enseignées dans le secondaire. Hein, exception faite d'enseignement de spécialité en économie et sociale. D'ailleurs, cet enseignement a été remis en question sous l'ère précédente. Hein, même actuellement, je ne sais pas si c'est satisfaisant. Enfin, il était question de créer, je crois, au niveau de la discipline économie, une branche qui soit spécialisée dans les corrélations avec la sociologie. Donc on voit bien que, bien sûr, la question est aussi en discussion à l'échelle de l'université. Alors donc ça, c'est bien sûr la limite institutionnelle. Il existe aussi la limite corporative. C'est donc cette fameuse controverse entre disciplinaire et éducateur. Là, c'est proprement d'enseignant. On l'a retrouvé même dans les mobilisations qu'il y a eu contre les réformes néolibérales. Alors il y avait... C'est une poche caricature, c'est pas du tout, évidemment, qu'il y a deux courants comme ça qui s'opposeraient frontalement, loin de là. Mais on a senti qu'il y avait encore quelques représentants d'un courant qu'on pourrait qualifier de disciplinariste, souvent formés à l'université, et de l'autre, donc des formateurs, bon, plutôt psychopédagogues, éducateurs, qui, eux, sont constitutifs des UFM ou des SP. Et donc, il y a encore une tendance quand même à des postures unilatérales qui valorisent respectivement des objets d'enseignement, les disciplines ou les méthodes d'apprentissage, comme si évidemment ces deux référents étaient à opposer. Cela paraît sans doute que l'effet de spécialisation doit conduire à ce type de raisonnement. Hein. C'est bien sûr totalement explicable, hein, et compréhensible, hein, mais peut-être à dépasser, et sans doute à dépasser, hein, même si chacune, bien sûr, a une forme de légitimité. Et donc, il faut arriver quand même à dépasser ça pour construire une culture professionnelle commune. Hein. Donc, c'est bien sûr l'enjeu de l'avenir. Alors, donc on pourrait parler maintenant au niveau psychopédagogique de cette question de l'éducation aux compétences, hein, pour faire un petit peu l'historique. Je connais peu parce que je ne suis pas de formation psychopédagogique, mais suite aux travaux de Philippe Mérieux, hein, et de son courant de pensée, il est clair que ce concept a trouvé sa légitimité dans le cadre de la création des UFM en 1990 et après, et participe finalement d'une réflexion sur la construction donc de savoir-faire, de savoir d'ordre méthodologique, d'ordre transdisciplinaire, d'ordre transversal, qui sont tout à fait nécessaires, hein, avec une légitimité évidente. Et donc un des acquis des travaux de Philippe Mérieux, c'est par exemple la création des travaux personnels encadrés au lycée, qui participent de cela, une réflexion plus transversale sur, bien sûr, les savoirs disciplinaires et comment les organiser. Bon, mais il est clair aussi que depuis une décennie, le projet néolibéral de transformation de l'école et de l'université en entreprise a changé, commence à changer les règles du jeu. Bon, rien n'est bien sûr accompli, il n'y a pas de catastrophe en vue, encore, au moins à l'école, hein, même si à l'université c'est peut-être plus avancé. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une tentative d'instrumentaliser le concept de compétence, trop souvent au détriment des savoirs enseignés. Hein, et donc ça participe d'un pragmatisme et d'un minimalisme douteux. Ce sont des auteurs tels que Clément et Christian Laval qui en parlent savamment. Donc il y a bien sûr une dérive possible sur un plan d'une gestion technocratique, l'administration, comme je l'avais dit tout à l'heure, prenant trop souvent la relève des mouvements éducatifs pour l'animation de la vie des établissements. Et alors un autre outil qui est à leur service, c'est bien sûr les TIS. Hein. C'est clair que je peux en parler tout de suite, je voulais en parler après, mais c'est vrai que les moyens de communication sont véritablement une technologie qui peut entraîner des dérives technocratiques réelles. Et donc ceci au niveau bien sûr de la gestion du personnel, hein, mais également bien sûr des publics scolaires, puisque jusqu'à présent c'est plutôt la formation à l'utilisation des outils qui est valorisée, hein, en partie dans la loi sur l'orientation. Il reste à édifier, bien sûr, toute une formation à la culture de l'intersubjectivité, finalement, que ces outils véhiculent, hein, de l'ordre de l'interculturel à tous les niveaux de culture que l'on peut imaginer, et qui reste à prendre en compte. Et là encore, ce sont bien sûr les sciences humaines et sociales, hein, qui, en complément des sciences de l'éducation, peuvent nous apporter beaucoup d'outils, hein, dont l'anthropologie, qui se réfère au phénomène d'appartenance culturelle, et la sémiologie, qui est consacrée au mode de représentation et de symbolisation. Pour en revenir à la didactique comme instance de médiation socio-cognitive, la marginalisation des problématiques didactiques dans cette période s'explique par ces différents faits corrélés. D'une part, donc, l'essor de ce paradigme compétentiel, hein, d'ordre psychopédagogique, avec les effets pervers qu'on peut imaginer, et d'autre part les TIS. Et en troisième point, cette technocratie administrative. Donc, moi je l'ai vu au niveau des matières, hein. Moi j'ai bien vu en 10, 15, 20 ans à quel point la didactique disciplinaire a pu, mais alors véritablement, régresser. Hein, c'est un fait avéré. Alors, la définition de la didactique, c'est la transposition des savoirs disciplinaires en fonction des publics. Et au niveau de la société, de l'économie de la connaissance, de la société de la connaissance, c'est une science de l'éducation tout à fait nécessaire, puisqu'elle permet finalement d'articuler les polarités cognitives, c'est-à-dire les savoirs académiques, bien sûr, les savoirs scolaires, bien sûr, qui sont médians, et les savoirs des jeunes, de ceux qui sont à l'extérieur même de l'espace classe et de l'établissement scolaire. Donc on ne peut pas faire l'économie de cette science de l'éducation. Et je peux citer peut-être un passage de la charte des programmes que vient de sortir le CSP et qui préconise à ce titre des démarches dialogiques et comparatiste, nécessaire à une meilleure maîtrise donc des enjeux, les enjeux cognitifs. Alors, une citation à la page 11-12. Le CSP souhaite que des recherches soient organisées pour développer la connaissance sur les programmes scolaires dans leur rapport avec les évolutions des savoirs et des sociétés, afin que soient favorisés les échanges entre professeurs de discipline ou de niveaux différents, la connaissance des finalités des principales références épistémologiques des programmes des autres niveaux et disciplines sera cultivée en formation initiale comme en cours de carrière. Donc, didactique, épistémologie. Il me semble qu'il y a une articulation à faire entre ces deux composantes et qui permettent un petit peu de réhabiliter, moi je dirais, la condition enseignante, hein, parce que mon enseignant est un monde extrêmement compétent, mais que l'on tente quand même un petit peu de réduire à un rôle de gestionnaire de discipline, et de, bien entendu de gestionnaire de la classe, alors que c'est quand même un monde intellectuel qui est à même d'avoir un regard critique et un regard distancié à l'égard de sa propre pratique. Donc il reste bien sûr à organiser cela grâce à l'université et grâce aux SP. Et je citerai une récente enquête de l'OCDE bon, qui a été citée dans le Café pédagogique hier même et qui montre bien que, spécialement en France, l'isolement des enseignants français est une cause quand même de contre-performance qui devient assez conséquente. Hein. Donc ça s'intitule OCDE, l'urgence de valoriser les enseignants français. Hein, c'est tout à fait étonnant. Et alors la conclusion, c'est un isolement de beaucoup de personnel à l'égard de trois entités, l'administration, avec lequel le climat de confiance n'est pas avéré, hein, les publics scolaires, hein, tout le monde connaît bien sûr les pressions que peuvent subir certains enseignants, et d'autre part, les collègues eux-mêmes. Donc il y a un phénomène d'individualisme atomisant, hein, voilà, qui fait que voilà, la corporation enseignante en France n'est pas en une situation finalement de rendre totalement opérationnel les principes de la refondation. Et on en revient un peu à ce thème de la démocratisation dont il était question tout à l'heure. Voilà, et pour terminer, la question bien sûr de cette école inclusive et de ce concept donc d'interculturel et de diversité, hein, de ces concepts complémentaires. Alors, le terme d'école inclusive a été intégré dans l'article 1 du Code de l'éducation. Donc là, c'était salué hein, par de nombreux acteurs éducatifs. Alors, il concerne plusieurs publics, finalement. Par exemple, les publics de handicapés. Il est clair que là, il y a aussi un facteur d'inclusion au sens positif à mieux gérer. Et donc, bien sûr, les personnels différenciés en termes d'origine, en particulier au monde de l'immigration, héritier de l'immigration ou de l'immigration multiple. Alors, est à saluer aussi l'ajout du concept de culture dans le socle donc éducatif. Jusqu'à présent, on n'avait que le socle des compétences et des savoirs, où on retrouvait justement cette binarité entre les éducateurs et les disciplinaires. Et donc, ce troisième élément, culture, peut-être peut permettre bien sûr de rehausser le panorama éducatif avec cette composante qui est finalement celui de l'animation culturelle, de la création culturelle et aussi finalement de l'appartenance culturelle. Parce qu'il a été dit à ce moment-là que ce mot culture est bien sûr tout à fait polysémique. Et quand il est pris au singulier, on comprend bien qu'il s'agit de création ou d'animation d'ordre artistique, à finalité esthétique. Mais que, bien entendu, le mot culture, employé souvent au pluriel, c'est la question des appartenances, hein, et les appartenances à plusieurs, bien sûr, degrés ontologiques, hein, ça peut être par rapport à l'origine, par rapport au genre, par rapport à la discipline hein, scientifique, par rapport à l'origine sociale, etc. Et alors, justement, je voulais prendre un exemple qui est peu interprété, c'est la question de l'enseignement des langues régionales. Bon, étant de Toulouse, je suis bien sûr assez familiarisée avec ces notions-là. Et c'est vrai que c'est passé un peu, bien sûr, inaperçu dans la loi sur la refondation. Mais donc les acteurs culturels des régions, de toutes les régions, hein, se sont bien sûr mobilisés pour que dans la loi sur la refondation soit davantage, si elle est encore inclus, on va reprendre ce terme, la composante langue régionale, hein, qui avait été un peu passée à l'as par Vincent Peillon. Et en fait, d'une manière assez bienveillante, il a repris le texte d'une bonne manière, ce qui fait que les acteurs culturels sont globalement contents de cet acquis. Alors, je ne citerai pas ce que dit Paul Molac, qui est donc un député breton, et qui a porté la question à l'Assemblée, et parfois il était tout à fait content du résultat. Il semblerait qu'il y ait une progression. Et une possibilité, donc, finalement, à ce que l'école prenne ses responsabilités par rapport à un élément du patrimoine, et qui a d'ailleurs été mis en 2008 dans la Constitution comme un élément constitutif du patrimoine national. Donc, ça fait partie de cette diversité culturelle dont il faut assumer la réalité, hein, la multiculturalité de la société française, et qui, avant même d'être au stade, bien sûr, de cette relation entre les citoyens d'origine et les citoyens venus de l'immigration et du monde colonial, post-colonial, bien entendu que la France, elle est constituée de régions historiques et de régions d'outre-mer, et que ces gens-là, bien sûr, ces communautés-là, on voit au chapitre, ils doivent être entendus et doivent pouvoir transmettre leur savoir et leur culture par l'école de la République. Et donc, on peut citer quand même les écoles régionales d'immersion linguistique, hein, qui sont, certaines sont plus connues que d'autres, les Diwan, bien sûr, les écoles bretonnes, pour les occitanes, c'est les Calandrettes, hein. Les écoles basques, c'est les Ikastolak, les Bressolanes pour les Catalanes, les Skola, je crois, pour les Corses. Alors, je ne serais pas prononcé pour les écoles alsaciennes, hein. Voilà, c'est plus dur pour moi. Et donc, il y a vraiment un ensemble pluriel qui est potentiellement apte à reconstituer des forces vives du pays. Hein, face à cette crise morale et politique qui est vécue, eh bien, il faut aussi compter sur ces forces-là, des forces complémentaires. Et on le voit bien à l'heure de l'unification des régions. Hein, il y a quand même un terme qu'on n'emploie pas assez souvent, c'est ce mot de culture. Quel est le critère qui peut amener finalement des régions à se regrouper, hein, pour une plus grande efficacité? C'est quand même des cultures, une langue culture, une histoire commune. Voilà. Et donc là encore, ça fait partie de ces éléments de débat qui sont un peu minorés, mais quand même qui progressent, hein, dans la discussion publique. Alors, donc, un exemple aussi de réussite, c'est la pédagogie interculturelle dans le cadre des langues vivantes et dans le cadre européen commun de référence pour les langues. Hein, je cite l'institution. Et donc, l'anglais et l'espagnol, ce sont des disciplines dans lesquelles il est possible de traiter de textes du monde anglophone, du monde hispanophone, hors Espagne, bien sûr, et Grande-Bretagne, sans que cela pose un problème identitaire, justement un problème ethno-nationaliste. Hein, parce que ce sont des questions qui sont dépassées en conscience, sans doute par ces pays, parce que la pré-colonisation, elle date de plus longtemps pour l'Espagne, elle date d'au moins un siècle, ce qui n'est pas le cas pour la France. La France, la décolonisation, on sait qu'elle date des années 60. Hein. C'est encore très récent, on en a encore tout à fait des drames. Hein. La guerre d'Algérie, on sait que c'est encore une plaie ouverte et compagnie. Mais toujours est-il qu'on peut avoir cette comparaison à l'esprit pour se rendre compte que d'autres pays européens ont déjà fait leur travail de deuil narcissique et qu'ils ont maintenant un dialogue plus apaisé avec leur ère d'influence, hein, anglophone et hispanophone en l'occurrence. Et donc je peux tout de suite prendre l'exemple du français des lettres, où donc en 2001, dans la réforme de l'enseignement au lycée, il a été programmé donc d'enseigner la littérature francophone en lycée et la littérature européenne, mais on en attend toujours les documents d'accompagnement. Alors voilà, ça fait 15 ans que ça dure, mais nous n'enseignons pas la littérature francophone, enfin des éléments, hein, de littérature francophone européenne à l'école, parce que justement, il y a cet élément-là dont vous parlez, c'est vraiment le consensus ethno-nationaliste. Alors ça ne se dit jamais, mais ça ne fait jamais partie des priorités. Moi, je vais vous proposer de faire un stage, hein, de littérature francophone. Je vais de la coopération pendant 10 ans. Donc, je le dis à titre anecdotique. Hein. Donc j'étais enseignante au Maroc pendant 4 ans et 6 ans au Bénin. Donc, je connais bien cette littérature. Et donc il n'était pas possible de faire un stage de littérature francophone parce que ça ne faisait pas partie des priorités. Voilà. Alors donc voilà ce qu'il en est de la question donc, de ce référentiel européen, qui est donc un point d'appui favorable. Et donc, je vais en terminer donc avec la question de l'enseignement du français des lettres, hein, pour dire que des essayistes et des spécialistes des études littéraires ont démontré que la crise d'études littéraires est sévère. Alors l'an dernier, je rappelle que j'ai insisté sur la crise de l'école, mais cette année, c'est la crise d'études littéraires. Et donc, je vais citer Dominique Maintenon, qui sont quand même des spécialistes de la matière, hein, qui sont des gens sérieux. Alors, il y a Vincent Jouve, en 2010, et un autre qui s'appelle Jean-Marie Schaeffer, qui est un philosophe. Et alors, dans leur quatrième page de couverture, on a vos propos, il n'y a que ce leitmotiv. Je me permets de vous lire deux ou trois lignes à ce propos, pour que, on se vient, enfin, vraiment, quoi, pour vous dire, nous, enseignants de lettres, nous ne sommes même pas informés de la réalité de ces essais. Hein, il faut vraiment, puisque effectivement, la coupure entre le secondaire et l'université est quelque chose d'assez important. Hein. Alors, voilà ce que dit Vincent Jouve dans son avant-propos en 2010. Nous sommes aujourd'hui confrontés à une crise des études littéraires qui s'exprime par les interrogations suivantes. À quoi sert l'enseignement des lettres? Faut-il le maintenir, carrément? Et si oui, que faut-il y faire? Alors, Schaeffer écrit: la crise actuelle des études littéraires est d'abord une remise en cause de leur légitimité. À quoi peuvent-elles servir? Comment envisager leur avenir? Et enfin, Maintenon, toujours en 2011. Aujourd'hui, la question porte non sur le comment de la production littéraire et de son étude, mais sur l'existence même de la littérature et l'intérêt de son étude. Au-delà, ce qui est sous-jacent, c'est une crise de civilisation qui embrasse à la fois les nouvelles technologies de la communication et l'identité européenne. Donc c'est vrai que là, ce que dit Maintenon résume la situation. L'enseignement du français des lettres, c'est quand même aussi une discipline assez transversale. Hein. C'est l'identité nationale qui est en jeu. Et là, tant qu'on n'aura pas résolu ces questions, effectivement, d'identité nationale telles qu'elles ont été évoquées à l'ère Sarkozy, mais d'une manière évidemment tronquée, sans remédiation véritable, même de la part, je dirais, des progressistes. Hein. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler quand même les réponses qui ont été proposées. C'était le triptyque républicain. Est-ce que, à travers cette réponse, il n'y a pas encore une forme d'universalisme abstrait? Et donc, finalement, le maintien dans un logiciel rationaliste. Alors que ce qui est à l'ordre du jour, c'est de donner effectivement un contenu substantiel, substantialiste aux enseignements, ce que demandent les élèves. Hein, ils ne demandent pas uniquement qu'on leur enseigne les valeurs républicaines dans le cours de morale laïque et républicaine. Et citoyenne, pardon. On leur demande aussi de savoir ce qu'est leur culture, ce qu'est la culture de l'autre, quelles en sont les composantes. Par exemple, on voit les films Entre les murs, hein, qui a été primé à Cannes. Les questions étaient de cet ordre. Hein, effectivement, qu'est-ce que l'individualité occidentale? Pourquoi cette individualité occidentale? Pourquoi nous fonctionnons-nous en collectif, nous, musulmans, ou bien africains, subsahariens, ou autres? Donc, ce sont ces questions anthropologiques qui, pour l'instant, restent sans réponse. Et donc, effectivement, ce débat sur l'identité nationale, de part et d'autre, finalement, n'a pas fourni des éléments de réponse suffisants qui permettent, effectivement, à l'école, et en particulier donc à l'enseignement du français et des lettres, d'opérer une mutation nécessaire, hein, eu égard donc au nouveau contexte. Pour terminer, bon. Bien sûr que l'inclusivité, c'est la voie de l'avenir, hein, il n'y a pas de problème. Mais alors pour autant, il ne faudrait pas enlever tout l'acquis de notre transmission, de notre République, qui est effectivement cet universalisme abstrait. Alors je cherchais une citation de quelqu'un qui disait que l'éducation, c'est à la fois s'arracher et s'enraciner. Donc il y a une double dynamique. L'arrachement, c'est de l'ordre effectivement de la verticalité. Et donc c'est vrai que cette projection universaliste de la République et de l'école française, ça va dans ce sens. Mais en même temps, il ne faut pas que cet arrachement nous déracine totalement, bien entendu, de nos savoirs, de nos langues cultures, de nos territoires, de tout ce qui fait finalement la base de notre être et de notre identité. Donc à la fois arrachement et réenracinement.